Ce vendredi, à La Vie en BD, on passe 60 minutes avec l'auteur BD Serge Gaboury. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à votre magazine consacré au 9e art ici sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 18h30 comme à l'habitude. Et une heure qui sera consacrée, comme on l'a annoncé, à Serge Gaboury à l'occasion de la sortie, quelques semaines déjà de ça, quelques mois voire même, donc d'un recueil qui s'appelle Du sang et de l'encre chez Perrault Éditeur. Un recueil qui nous amène à replonger dans les planches que Gaboury a offert au fil des 189 numéros du magazine Crow. Alors, on aura l'occasion de parler de ça avec lui, de parler d'autres choses aussi, évidemment, puisqu'il a une belle et vaste carrière au fil, donc, des années et au fil des médiums également. Alors, ce sera donc le sujet de notre émission de cette semaine. Sinon, dans l'actualité, je fais une petite mention, faut pas oublier, ce samedi 2 mai, les librairies d'un peu partout vont offrir des activités et publications gratuites à l'occasion du Free Comic Book Day. Et également, je fais un gros clin d'œil à l'initiative qui avait été lancé par Jean Marquis de la boîte à BD de Laval, une initiative québécoise, le samedi de la BD gratuite, accompagné par un recueil. Donc désormais, c'est une tradition, un contrepoids peut-être également à la tradition américaine du Free Comic Book Day. Et donc, c'est une occasion pour vous, amateurs de bandes dessinées, de mettre la main sur quelques hors-séries des majors du domaine, certes, mais aussi, peut-être surtout, de parcourir un recueil de 52 pages qui met de l'avant divers talents québécois établis ou émergents. Donc, un recueil avec des récits, entre autres, de Patrick Boutin-Gagné, Yves Rodier, Thierry Labrosse, David Gauthier, Boum, Olivier Carpentier et bien, bien d'autres. Donc, plusieurs auteurs qui ont accepté de participer bénévolement à cette initiative et d'offrir extraits d'albums ou courtes histoires originales. Et donc, il y a 16 librairies qui ont accepté de diffuser leur recueil. Du côté de Québec, eh bien, c'est Première Issue, donc à l'intérieur des murs du Vieux-Québec. Et il y en a plusieurs autres. D'ailleurs, si vous voulez avoir le détail, la liste des librairies participants, participantes, eh ben, vous allez sur voir.ca/Raymond-Poirier. Autre nouvelle BD, la bande dessinée Mouse est désormais jugée indésirable en Russie. Donc vraiment une nouvelle qui relève du grand n'importe quoi, à mon humble avis. Qu'est-ce qui se passe avec ça et pourquoi, après, on s'entend, la série a quand même sorti en 92, donc ça date pas d'hier non plus. Eh bien, c'est la couverture de cet album gagnant du prix Pulitzer qui... cause problème. Une croix gammée y figure bien en évidence et se fait juger inacceptable, inappropriée par le gouvernement russe à l'aube du 70e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, le retrait du livre des rayons fait suite à une loi votée en décembre 2014 qui interdit, entre guillemets, la propagande nazie et amenant ainsi les autorités russes à exercer un contrôle strict sur toute diffusion de symboles nazis dans la sphère publique. Alors, évidemment, l'auteur Art Spiegelman a réagi dans les colonnes du Guardian, décrier la chose en disant que c'est une véritable honte, surtout parce que le livre est à propos de la mémoire. Il dit « Nous ne voulons pas que les cultures effacent la mémoire ». Et d'ailleurs, en fait, toujours dans le Guardian, Spiegelman rappelait que c'est pas la première fois que le livre fait face à la censure. Il y avait eu problème similaire lors de sa publication en Allemagne, où les lois interdisent, évidemment, l'utilisation de croix gammée dans des livres qui sont non historiques. L'auteur, lui, jugeant importante la présence de l'icône sur la couverture, entre autres, avait obtenu que son maintien soit intégré à même son contrat de publication et donc de forcer l'éditeur à travailler à convaincre les autorités allemandes que l'ouvrage devait figurer parmi des livres d'histoire plutôt que parmi des œuvres de fiction pour obtenir le droit justement d'utiliser l'icône. Alors ben voilà, on verra maintenant qu'est-ce qui va arriver en Russie. Évidemment, on en parle largement dans à peu près tous les médias qui traitent ou non de bandes dessinées. Alors là-dessus, on prend une petite respiration musicale avec Andrei Avitkovitch, tiré de son album Advanced Basic. On écoute un petit extrait donc qui s'appelle Welcome to Earth 3241.